un baiser sensuel, un amour naissant, l'offre d'un voyage, un mélange, un nouvel alliage. Du bout de tes lèvres, j'ai rêvé notre vie. C'est furtive, sans accord. Tu m'embrasses, je vois tes sens aux abois. Tu gémis tout et implores. Tu m'embrasses, je dois t'aimer dans. Entre tes lignes.